professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici convié comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le journaliste catholique intransigeant Louis Veuillot amuse-t-il par sa méchanceté? Comment sa prose inaugure-t-elle le pamphlet réactionnaire demande Antoine Compagnon? Comment son style de complexion sanguine peut-il puer le cabaret et la sacristie, selon le mot d'un journaliste contemporain? Et comment cet autodidacte peut-il incarner la voix du petit peuple catholique de province? Comment s'est-il longuement et violemment opposé à Victor Hugo? Nous avons découvert hier la figure du pamphlétaire catholique intransigeant Louis Veuillot, rédacteur en chef de l'Univers, quotidien catholique fondé par l'abbé Migne dans le cadre de la série d'Antoine Compagnon de la littérature comme sport de combat. Aux côtés de Granier de Cassagnac, Veuillot est une illustre plume de guerre, un grand éreinteur, un redoutable condottière avant sa conversion de 1838. Il écrira d'ailleurs « Dieu m'a sauvé, m'a bien sauvé, il m'a prise au fond de l'abîme ». Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, présente ce journaliste du quotidien dont le style tient à la fois de la bruyère et du faubourien du gros caillou, selon une formule prise dans À rebours. Nous suivons son itinéraire de journaliste, ses débuts, il a alors deux patrons, Bugeaud et Guizot, jusqu'à la grande période du journal L'Univers, des années 1840 à 1880. Épousant les idées de Joseph de Maistre, Veuillot déteste avant Maurras la triade Renaissance, Réforme, Révolution, souligne Antoine Compagnon, qui rappelle également comment Veuillot a développé une théorie de la guerre par le journal. La vraie arme, écrit l'illustre polémiste, l'arme de précision, c'est le journal. Il s'occupe du fait chaud et vivant. Il commente le document de la veille et du jour. Il dit le mot de la charade politique avant qu'elle soit jouée. Il allume le gaz partout où la nuit artificielle porte ses ombres. Le journal est immédiatement lu par des milliers d'amis et d'adversaires. Il fortifie les uns, il embarrasse les autres et les contraint à se démasquer. Il a quelque chance d'instruire la bonne foi ignorante. Fin de citation. Alors découvrons tout de suite les combats de ce journaliste violent qui sait manier la langue de la rue. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Antoine Compagnon, les 6 et 13 mars 2018, aujourd'hui, ce diable de Veuillot. Veuillot n'est pas un auteur de livres, quelques livres célèbres, hein, comme « Rome et Lorette », 1841, qui est le livre de sa conversion, « Les libres penseurs », 1848, « Les odeurs de Paris », 1867. Et puis il y a des romans, il y a de la poésie, il y a de tout, mais les livres ne sont pas composés, ce sont des chroniques, ce sont toujours des chroniques. Il est le journaliste du quotidien. Et il est, voici ce que dit Hippolyte Casti dans un livre sur les hommes et les mœurs en France sous le règne de Louis-Philippe, une sorte de jugement sur Veuillot qui le rapproche justement de Granier de Cassagnac, dont je parlais la dernière fois. À côté de Granier de Classagnac se place naturellement un journaliste qui, par la violence de son talent, très remarquable d'ailleurs, a fait parler de lui sous le dernier règne, où il parle de la monarchie de Juillet, et qui continue d'occuper nos loisirs par les plus bouffons intermèdes. Monsieur Veuillot est d'une laideur repoussante, ça, tout le monde a l'air de s'accorder. Je n'estime pas ce caractère politique, mais j'avoue qu'il amuse par sa méchanceté, sa lubricité, sa vinosité, le tout mêlé de piété. Alors, lubricité, vinosité, je n'en sais rien, mais tout ça, ce sont des allusions à sa première vie, avant la conversion, puisqu'il a fait partie de la bohème des petits journaux. Veuillot s'est converti en 1838. Il est donc exactement contemporain du milieu du journalisme représenté dans Les Illusions perdues, publié en 1839, mais situé en 1821. Veuillot est un journaliste à la manière de ceux que Balzac décrit dans Les Illusions perdues et dans la monographie de la presse contemporaine. Donc lubricité, vinosité, c'est son ancienne vie. C'est quelquefois à mourir de rire. Quand il ne dégoûte pas, je confesse qu'il égaye. Il a un style de complexion sanguine, toujours cette allusion au côté sanguin du personnage, hein, qui donne à sa phrase une animation singulière. Mais cette phrase ne saurait se tenir et fait à chaque instant des pétarades horrifiques et épouvantables. Ce style pue le cabaret et la sacristie. Et on a toujours cette combinaison du cabaret et de la sacristie. C'est un topos pour caractériser ce style de Veuillot, et je dirais au-delà de Veuillot, ce style du pamphlétaire catholique ou de style du pamphlétaire de droite, jusqu'à 1940. Toujours cette contradiction, hein, sacristie et cabaret. Il faut ajouter qu'on y viendra, mais la mère de Veuillot tenait un cabaret. C'est pourquoi il y a tant d'allusions au cabaret et à la vinosité. Toujours cette contradiction, par exemple dans « À rebours », il est question de Veuillot partout. Il en est donc question dans « À rebours » de Huysmans. Celui-là des Huysmans s'était fabriqué pour la lutte une langue particulière. Cette langue pour la lutte de Veuillot, inventée par Veuillot, où il entrait du labrouillère et du faubourien du gros caillou. Labrouillère, il y a toujours ce... Comment dire, cet attelage, il est l'attelage de cette langue classique du XVIIe siècle, la bruyère, et le faubourien du gros caillou. Alors le gros caillou n'est plus tellement faubourien aujourd'hui, mais le gros caillou, c'était le quartier industriel de Paris. C'est là qu'il y avait les ouvriers au XIXe siècle, et encore jusqu'à Huysmans. Ce style mi-solennel, mi-canaille. Et qu'on trouve toujours cette monstruosité solennelle et canaille, brandie par une personnalité brutale, prenait un poids redoutable de casse-tête. Ou chez Léon Blois, autre héritier de la langue de Veuillot, Veuillot, une gueule atroce, hein, la laideur légendaire, une paire de battoirs, Madame de Sévigné et l'imitation de Jésus-Christ. Hein, voilà, là. Il y a toujours cette combinaison paradoxale qui caractérise le personnage. Et Blois le traite en poursuivant de goujat. Bon, qui était Veuillot? J'ai déjà suggéré, ses débuts dans la vie sont ceux du tout à fait caractéristiques du petit journaliste de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Il est le fils d'un tonnelier qui a quitté le Gâtinais en 1818, c'est le premier exode rural, et qui a été élevé à Bercy, à la Halle au Vin, où sa mère a ouvert une gargote. Sa mère, qui mourra une fois qu'il sera converti, est une gargotière de Bercy. Ses parents sont illettrés et il est, lui, élevé à l'école mutuelle, donc à l'école laïque de Bercy, n'a jamais été au collège, c'est un autodidacte. J'ai oublié de vous signaler, dans ce cet attelage de la langue de Veuillot, la Bruyère et le Gros Caillou, le faubourg où ce canaille et ce solennel, au fond, ça annonce le mot célèbre de Claudel sur Baudelaire. Claudel, qui est un amateur de Veuillot, qui a préfacé une vie de Veuillot publiée juste avant la guerre, en 1837, c'est Claudel qui disait que le style de Baudelaire, c'était un extraordinaire mélange de style racinien et du style journalistique de son temps. C'est cet attelage qui nous renvoie à Veuillot. Donc début tout à fait populaire et formation sur le tas de ce jeune garçon à partir de l'âge de 12 ans chez un avoué parisien, fortuné de Lavigne, qui se trouve être le frère du poète Casimir de Lavigne. Et c'est là qu'il a fait son éducation, quai Malaquais, à l'étude de Fortuné de Lavigne, avec des clercs passionnés de littérature. Nous sommes donc dans les années du début du romantisme, 1825. Il est né en 1813, il est là à partir de 1825, et l'un des clercs de l'étude de Lavigne, c'est le poète Auguste Barbier. Donc c'est comme ça qu'il fait son éducation. En 1830, donc il a 17 ans, il fait partie de la claque d'Hernani après une visite. Donc il connaît Victor Hugo depuis 1830, après une visite et le don d'un billet gratuit. C'est donc là qu'il a été en contact avec les personnalités du monde littéraire, qu'il a fait son éducation, et il n'y a rien d'étonnant à découvrir qu'il a été présent à la bataille d'Hernani. Son frère, dans sa biographie, cite ses vers: j'escortais Hernani, le point haut, l'œil sauvage, j'aurais à Lélia parlé de mariage, Michelet me semblait profond, Dumas poli, et je trouvais Delorme, on ne peut plus joli. Bref, je fus romantique. Et il dira plus tard, dans un récit qui est de la fin de sa vie, hein, je n'avais pas 17 ans lorsque commença la grande bataille des classiques et des romantiques. Comme tous les jeunes gens d'alors qui avaient un penchant déterminé pour les vers et pour les émeutes, je fus séduit par le programme de liberté. Le moyen pour un gamin de 17 ans de ne pas courir derrière Hernani et Musset. Ajoutons que l'un de ses mentors de ce début dans la vie, c'est Henri de Latouche, qui, par hasard, habite dans le même immeuble du quai Malaquais, si bien que Veuillot publie des articles dans le premier Figaro en 1830. Le Figaro, le petit Figaro original, le modèle de tous les petits journaux du siècle. Mais sa formation se poursuit et en 1831-1832, il devient journaliste. À l'écho de la Seine inférieure, il est envoyé à Rouen pour écrire les feuilletons du journal ministériel. Et ce feuilleton, il le signe VV, comme Jules Janin signe son feuilleton du journal des débats JJ. Et Janin est une autre de ses admirations. Plus tard, bien sûr, il l'éreintera, comme il éreintera à peu près tout le monde. Dans l'écho de la Seine inférieure, il présente les feuilles d'automne en 1832, le recueil de Victor Hugo, avec admiration. Et il s'entraîne à l'escrime et à la savate. Il devient le type même du journaliste de l'époque. Il a des duels au pistolet avec un ténor de l'opéra de Rouen, dont il a démoli la femme, une actrice dans son compte-rendu du Grand Théâtre de Rouen, et il a un autre duel au pistolet avec un rédacteur du journal de Rouen, le journal libéral, auquel s'oppose le journal ministériel. On est en 1831-1832. Ensuite, il est envoyé toujours journaliste opportuniste, journaliste ministériel, il est envoyé à Périgueux pour tenir le mémorial de la Dordogne. Et cette fois-ci, bon, il a 19 ans, il fait à la fois les feuilletons et les éditoriaux politiques. C'est Bugeaud, le général Bugeaud, qui commande la division militaire et qui l'a recruté pour tenir le journal, le mémorial de la Dordogne. J'en profite pour dire que c'est en étant en dirigeant cette division militaire qu'il commande la forteresse de, je vous avais dit, la forteresse de Blaye. On m'a reproché, je dois dire, la forteresse de Blaye. Hein, excusez-moi, la forteresse de Blaye. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve comment tout cela se lit, puisque Bugeaud commande la division militaire, recrute Veuillot pour tenir le journal ministériel, et Veuillot se bat deux fois à l'épée pour Bugeaud contre les carlistes à Périgueux. Dit-il, c'est là qu'il fit son apprentissage, en tenant tout seul ce journal de Périgueux. Je raillais, j'invectivais mes adversaires, je les réduisais au silence. C'est à ce prix que je gagnais en 2 ou 3 ans la réputation d'un des 3 ou 4 meilleurs journalistes de province, qu'on juge par là des autres et de tout le pays. Donc il a 20 ans et il est considéré comme le meilleur journaliste, l'un des meilleurs journalistes de cette presse ministérielle. Il est rappelé à Paris en 1836 comme rédacteur de la charte de 1830 lancée par Guizot. Il a 2 patrons dans cette époque, hein, Guizot et Bugeaud. La charte de 1830 dure peu, Guizot n'est plus au ministère. Ensuite, il passe à la paix avec Toussnel, fourriériste. On voit toutes ces étranges complicités du moment. Et il part en tournée des journaux de province pour les élections. Ce que l'on appelle un condottiere, ce journaliste à gage payé par le ministère. De retour, il entre au Moniteur parisien, le Moniteur parisien, toujours journal ministériel, et là, il rencontre des débats parlementaires. Et c'est le véritable apprentissage parisien à la Chambre, puisque, ne l'oublions pas, le compte-rendu des séances parlementaires, c'est la raison d'être de la presse. Nous avons vu, en parlant de Carrel, comment le régime sanctionnait un journal, fermait un journal en lui interdisant les comptes rendus de la presse ou les comptes rendus des tribunaux. C'est la principale source d'intérêt et de curiosité pour la presse à ce moment-là. Et il rencontre donc des séances parlementaires. Et c'est là que, bon, on en rencontre comme du sport, comme de la boxe. C'est le combat qu'il s'agit de relater. Sainte-Beuve, dans son grand article de 1861 sur Veuillot, loue ses comptes rendus parlementaires. Ses croquis parlementaires sont charmants, dit-il. Croquis, notez le mot. Que de personnages importants et agités, tout plein d'eux-mêmes, qui posent complaisamment, sans songer qu'ils sont là, devant Charlet, devant Gavarni, ou Daumier, ou même devant Nadar. C'est évidemment très remarquable, cette notation de Sainte-Beuve, puisqu'il fait de Veuillot le caricaturiste, l'équivalent de toute cette grande lignée des caricaturistes. Et il dit ça très tôt. Alors que cette amitié avec Nadar, elle est évidemment pas encore sensible. Le propre du talent de M. Veuillot, feuilletoniste des chambres, c'est qu'en même temps qu'il sait et qu'il rend de chacun le geste, le timbre des voix, les tics, il sait aussi la valeur sérieuse de l'homme et la respecte assez quand il la rencontre. C'est en cela qu'il se distingue dans ses croquis d'Armand Marast, purement satirique. Armand Marast, c'est le directeur du National après la mort de Carrel. Comme controversiste, M. Veuillot est partial et injuste. Il est juste comme peintre, il ne peut s'empêcher de faire ressemblant. Mieux, on connaît les masques et plus on trouve que presque toujours, il a bien touché. Voici l'Assemblée nationale, représentée par Cham en 1848, qui est présidée par Armand Marrast, qui est passé du rôle de journaliste rendant compte des débats à la Chambre président de l'Assemblée nationale pendant quelques mois. C'est donc là que véritablement Veuillot a acquis sa maîtrise, et c'est lui-même qui, dans Rome et Lorette, le récit de sa conversion en 1841, revient sur son passé et se traite de condottière de la plume. Voici comment il décrit son état au moment de se convertir en 1838. Je n'avais plus du tout de foi politique. Une année, en a-t-il jamais eu ? Je ne sais pas. Mais il a toujours été du côté de l'ordre. On a vu que cette carrière de 1830 à 1838 est une carrière ministérielle. Je n'avais plus du tout de foi politique. Une année de polémique avait brisé, broyé, pulvérisé des convictions qui ne reposaient sur aucune base stable dans le passé, que je ne voyais aboutir à rien dans l'avenir. Sous l'action continuelle des railleries et des mauvais exemples, le vernis de frêle morale qui les enveloppait s'était dissous, et je ne me donnais pas 2 mois pour n'être plus qu'un de ces condottieries de la plume qui vont d'un camp dans l'autre pour vendre moins encore leur bravure que leur inactivité. Certes, Dieu m'a sauvé et m'a bien sauvé. Il m'a pris au fond de l'abîme et m'a emporté dans ses bras. Je ne pouvais plus me sauver moi-même. Voilà l'annonce de la conversion de 1838 à Rome, où il s'est rendu en voyage pour éviter l'atmosphère de Paris. Ensuite, il sera souvent traité par ses ennemis de condottière de la plume, et il protestera violemment. Mais au retour de Rome, s'éloignant du milieu du journalisme, avant d'y retomber pour toujours, il devient sous-chef de bureau de Guizot, c'est toujours Guizot qu'il recrute, à l'administration de l'esprit public. Qu'est-ce que c'est que l'administration de l'esprit public au ministère de l'Intérieur ? Je crois comprendre que c'est l'ébauche des renseignements généraux. Il s'agit de s'intéresser à l'état de l'opinion, l'état de l'esprit public à partir des rapports des préfets. Et il est donc payé sur les fonds secrets. C'est comme ça qu'on voit son nom, qui figure beaucoup sur la liste des fonds secrets. Je crois que je l'ai évoqué la dernière fois. À propos de Granier de Cassagnac, on voit Veuillot émargeant aux fonds secrets qui seront publiés lors de la Révolution de 1848 à partir de cette fonction au ministère de l'Intérieur. Mais il commence à écrire à l'univers religieux. L'univers religieux, c'est une publication qui a été lancée par l'abbé Migne, célèbre par la patrologie, mais qui est avant tout un entrepreneur de l'édition catholique. Donc il a lancé ce petit journal que Veuillot reprendra. Je voudrais encore évoquer dans ces années son voyage en Algérie, puisque Bugeaud, il a 2 patrons, je l'ai dit, Guizot et Bugeaud. Bugeaud l'emmène en Algérie en 1841, et pendant de février à septembre 1841, il participe à la conquête de l'Algérie avec un grand sabre. Donc lui aussi, il a guerroyé, il a été soldat non seulement de la plume, mais aussi de l'épée. Il participe avec Bugeaud aux prises de Médéa et de Mascara. Mais il écrit à un de ses correspondants à Paris « J'ai un profond mépris pour le canon et pour le sabre. Je ne hais point le soldat, mais le sabre et le canon me font pitié comme 2 pauvres machines. Nous sommes habitués à nous servir d'armes plus terribles, la plume, et à voir bien d'autres destructions. La mitraille est fade. Quand je lis ici mon cher univers, j'enrage de n'être point en France pour dégainer contre M. Villemain, ministre de l'Instruction publique, et l'affaire, c'est celle de la liberté de l'enseignement, contre l'empereur de Russie, contre les journalistes, contre les vaudevillistes, contre les feuilletonistes. Voilà de la guerre, se battre contre les idées. Ce passage est donc intéressant pendant ces quelques mois de guerre, de participation à la guerre avec un sabre et des canons. C'est la guerre de la plume que regrette Veuillot, qui écrit encore « Je ne pense qu'aux écritures, qu'aux passes d'armes dans l'univers, je n'ai envie que de tailler des plumes et de vider des encriers. » Tailler des plumes, vider des encriers, c'est l'encrier comme arme de guerre. Et c'est ainsi qu'il devient rédacteur en chef de l'univers. Donc quitte le ministère de l'Intérieur, l'esprit public, pour devenir rédacteur en chef de l'univers à partir de mars 1843. Et c'est véritablement, non pas la naissance du journalisme catholique. Le journalisme catholique, c'est Lamennais qui est déjà un combattant et qui l'a, d'une certaine manière, inventé. Mais le journalisme catholique a fait Veuillot, hein, qui était jusque-là donc une plume stipendiée, une plume ministérielle, et il a choisi, sans doute habilement, la spécialité du catholicisme intransigeant. Il y avait une place à prendre. Il ne s'agit pas de contester la conversion, mais on peut constater l'intérêt tactique qu'il y avait à adopter cette position, dont l'un de ses correspondants dit que c'est une position très avantageuse. Et en 1843, Veuillot choisit donc non seulement le journalisme catholique, mais il transforme ce journal par son adhésion aux idées de Joseph de Maistre, qui permet d'assurer une certaine, j'ai envie de dire, distinction polémique de cette presse catholique. La référence à Joseph de Maistre, elle est présente dans l'épigraphe de son premier livre catholique, Les pèlerinages de Suisse, en 1839, et il y a une certaine provocation maistrienne qui assure la notoriété du journaliste. Par exemple, on lit dans ce premier livre catholique de Veuillot, « Pour moi, je dirais franchement et nettement, ce qui lui sera reproché plus tard, même avant d'expliquer toute ma pensée, si quelque chose me semble à regretter, c'est qu'on n'ait pas brûlé Jean Hus plus tôt et que Luther n'ait pas été brûlé comme lui. » On voit donc quelles sont les cibles, la Renaissance, la littérature païenne, la Réforme et la Révolution. Renaissance, Réforme, Révolution, les trois R de Maurras, un peu plus tard, ils sont là déjà. Donc, cette position maistrienne qu'il fait adopter à ce journal est une position très forte, je dirais, et en même temps, cela lui assure l'indépendance par rapport à la hiérarchie religieuse. Vous voyez qu'il est la querelle que j'évoquais pour commencer sur les classiques païens, eh bien certains évêques prennent parti pour lui, d'autres évêques prennent parti contre lui, et le pape, en dernière instance, doit trancher. Donc la position de la presse catholique assure cette indépendance, et je dirais que c'est une sorte de paradoxe de la liberté de la presse, hein, revendication de la liberté de la presse au nom d'un dogme qui est hostile à la liberté de la presse. Veuillot pourrait dire, mais comme d'autres, comme disait Proudhon, qu'il se battait pour une cause qui le supprimerait si elle était victorieuse. Ce catholicisme intransigeant. On pourrait dire que ce même paradoxe, on le trouve chez Chateaubriand ou encore chez Baudelaire, défenseur d'une cause qui les éliminerait. Peut-être chez beaucoup d'entre nous. En tout cas, la violence qui est la sienne, elle est fortement exprimée ici par cette origine sociale. « Je suis trop ignorant, dit-il, et c'est en s'opposant aux catholiques libéraux, aux catholiques modérés. Bon, il est d'abord allié de Montalembert et de Lacordaire, Et puis il rompt avec eux, et c'est quand il rompt avec eux qu'il écrit ceci. « Je suis trop ignorant pour n'avoir pas de la violence. » Il leur manque du sang, à ces catholiques modérés, à cette presse catholique modérée, de la haine contre une société où ils ont leur place et dont le velours et la dentelle les empêchent de voir les plaies et de sentir les corruptions. Ils ont été élevés dans le velours et la dentelle. Ils ignorent ce qui se passe dans la rue, ils n'y ont jamais mis les pieds. Moi, j'en viens, j'y suis né, et pour tout dire, j'y demeure encore. Homme de la rue qui parle la langue de la rue, et on a donc cette tension, cet attelage d'un journalisme d'inspiration mestrienne et de langue populacière. Mais après tout, cette alliance n'est peut-être pas si paradoxale, puisqu'on trouvait déjà chez Joseph de Maistre, sinon une certaine vulgarité, du moins une poétique débridée, une langue qui pouvait être débridée. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui ce diable de Veuillot. Les premiers combats de Veuillot avec l'univers, ce sont donc des combats pour la liberté de l'enseignement dans les années 1840, la liberté de l'enseignement catholique. Et c'est sa première croisade quand il prend la tête de l'univers en 1843. Il s'adresse ici à Lamartine et la démocratie. « Quoi ? Vous nous parlez de démocratie ? Et parce que nous croyons en Dieu, nous serons dans cette démocratie des ilotes incapables de léguer notre croyance à nos enfants. Vous nous parlez d'égalité, de fraternité, et parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes ni vos égaux, ni vos frères. Vous nous tenez en tutelle et en servage. » Donc, première croisade pour la liberté de l'enseignement catholique, en particulier contre Villemain. Villemain, qui est ministre de l'instruction catholique et qui est méfiant des congrégations qui préparent une loi. C'est la loi qui donne le monopole à l'université. Et Veuillot s'engage à plein pour savoir si les catholiques ont le droit de faire élever leurs enfants par d'autres maîtres que ceux de l'université. C'est ce qu'il écrit dans sa lettre à M. Villemain en août 1843. Dans l'année suivante, 1844, une brochure est publiée par un ancien disciple de Lamennais, l'abbé Comballeau. C'est une brochure qui est intitulée « Mémoire sur la guerre faite à l'Église, aux évêques de France, sur la guerre faite à l'Église et à la société par le monopole universitaire. » Et cet abbé Comballeau, à la suite de cette brochure, est poursuivi pour provocation à la désobéissance aux lois. Il est condamné à 15 jours de prison et 4000 francs d'amende. Veuillot publie, vous avez compris que c'est l'habitude, c'est ce qu'on fait toujours, on publie les comptes rendus du procès, il publie le procès de l'abbé Comballeau en avril 1844 avec une introduction, et il est à son tour poursuivi pour désobéissance aux lois, etc. Et il est condamné à son tour à un mois de prison et 3000 francs d'amende en juin 1844. Mais c'est ça qui le rend célèbre d'emblée. Il prend la tête de ce journal et il est aussitôt condamné à un mois de prison et 3000 francs d'amende. Alors sa prison, malheureusement pour nous, il ne la fait pas à Sainte-Pélagie, parce que j'ai beaucoup parlé de Sainte-Pélagie, c'est la prison des délits de presse, mais en juin 1844, Sainte-Pélagie est pleine. Donc on le met à la conciergerie et il passe son mois de prison à la conciergerie dans la cellule de Fieschi, qui a été exécutée. Et là aussi, dans ce récit de prison, c'est le récit canonique dont je vous ai déjà fait part à plusieurs reprises, c'est le récit du bonheur et de l'otium, du loisir studieux. C'est tous les poncifs que nous avons rencontrés. Me voici en prison, le 11 juin 44. J'y suis bien, trop bien. Ceci ne ressemble pas du tout au martyr. Avec un peu plus d'air et un peu moins de puce, ma prison ressemblerait à un lieu de plaisance. J'y suis au frais et à l'ombre. J'y suis seul, j'y lis, j'y écris, j'y prie. Proudhon n'y priait pas, mais à part ça, c'était la même lettre. L'an dernier, ce matin, j'y ai commencé le mois du Sacré-Cœur quand je n'aurais jamais eu le temps de célébrer dans le monde. Le soir, quand les voleurs sont enfermés, on me permet d'entrer dans la cour où ils prennent leurs ébats et je puis m'y promener pendant une heure et demie environ. Par malheur, c'est là que je ramasse des puces en abondance, mais il n'y a point de roses sans épines. Les geôliers ont soin de moi. Je leur suis recommandé par monsieur le général des galères, vulgairement nommé préfet de police. Eh bien, vous voyez que c'est le bonheur en prison, lui comme les autres. Et à la sortie de prison, eh bien, il développe cette théorie de la guerre par le journal. L'arme de la guerre, c'est le journal, la vraie arme, l'arme de précision. C'est le journal. Il écrit cela au moment où l'univers a été interdit en 1860. Il s'occupe du fait chaud et vivant. Il commente le document de la veille et du jour. Il dit le mot de la charade politique avant qu'elle soit jouée. Il allume le gaz partout où la nuit artificielle porte ses ombres. Le journal est immédiatement lu. Bon, et je vais à la fin de la citation. Sans doute l'heure qu'il est, même dans le journal, l'écrivain rencontre bien des entraves, il joue gros jeu, mais enfin il peut jouer, il peut faire son va-tout. Le soldat n'ignore pas qu'il risque d'être tué raide, il accepte à ce prix la chance d'enlever la position. Alors bien sûr, cela vaut à Veuillot bien des attaques. Il est célèbre parce qu'il est caricaturé, partout. Il est présent sur la scène du théâtre français dans une pièce d'Émile Augier, le fils de Giboyer, en 1862. Il y a un personnage qui représente Veuillot. Veuillot répond par une brochure qui fait 300 pages, qui s'appelle « Le fond de Giboyer ». Et, dit-il, ce ne sont pas des représailles. Il dénie sa vendetta. Augier parle de représailles après, lorsqu'il l'a caricaturé, comme s'il fallait attribuer son mauvais procédé au mauvais sentiment de la vengeance, toujours la vengeance, que la coltellata, le coup de couteau exécuté par ses comédiens, fut la rétribution de quelque ancien coup de sifflet. Mais j'interroge en vain mes souvenirs, il me semble bien ne l'avoir jamais ce qui s'appelle sifflet. Il est vrai que la rancune enragé est le trait le plus fréquent des mœurs littéraires. La rancune, trait des mœurs littéraires, c'est ce que nous rencontrons le plus souvent. Mais Veuillot a une haute conception de ce journalisme de combat, libre, indépendant, refusant l'Académie, alors que tous les autres journalistes catholiques entrent à l'Académie, refusant la Chambre. On lui propose sans cesse d'être élu à la Chambre, il le refuse toujours. Sa tribune, c'est le journalisme, c'est l'univers auquel il est totalement identifié, et cela lui vaut, eh bien, je vous montre quand même quelques-unes de ses caricatures. Voici Veuillot caricaturé par Daumier, rentré des Capucins dans leur bonne ville de Paris, hein, c'est le retour des Jésuites en 1851, l'univers religieux, Veuillot, et Montalembert qui est toujours représenté, surmonté d'un été noir et d'une auréole par Daumier, et les Horaces de l'Élysée. Les Horaces de l'Élysée, 1851 aussi, c'est le moment de la discussion sur la révision de la Constitution en juillet 1851, où Louis-Napoléon Bonaparte voudrait prolonger son mandat. Et vous avez donc Montalembert, toujours avec son été noir, Veuillot, avec son visage grêlé, l'univers qui sort de sa poche et sa masse d'armes. Il est toujours représenté avec une masse d'armes dans les caricatures. La plume devient cette masse d'armes. Et puis on a Thiers ici, enfin, et Véron, les représentants, les conjurés qui veulent réviser la Constitution de 1851. Veuillot est un combattant. Sainte-Beuve comparait ses portraits parlementaires à des caricatures, à des portraits charges, et lui-même a été beaucoup caricaturé. Ceci, c'est une caricature de 1882, juste avant sa mort en 1883, donc après la liberté de la presse de la Troisième République en 1881. Mais n'oublions pas que sous les régimes précédents, la presse n'était pas aussi libre, et la caricature célèbre de Gilles Veuillot en ange avec son auréole et en boxeur, hein, cette caricature a valu au gérant de la revue La Lune un mois de prison, suivi d'un recours en grâce, puisque c'était comme cela que fonctionnait le régime de l'Empire. Celle-ci est de donc 1867. C'est pourtant presque l'Empire libéral. Mais un texte de 1852, donc de la présidence dictatoriale, veut qu'aucun portrait charge ne soit publié sans l'autorisation du personnage caricaturé. Une lettre a donc été adressée à Veuillot pour autoriser cette caricature. Il n'a pas répondu. Et c'est le ministère public qui poursuit. Ce n'est pas Veuillot qui a porté plainte pour la caricature, mais c'est le ministère public qui a poursuivi. Et on doit se souvenir de cela, que les caricatures sous le Second Empire sont très contrôlées. Et avec cette caricature, il y a donc une très longue querelle entre Veuillot et Gilles, avec donc de la prison. Ceci, c'est d'avril 1867, et le mois suivant, puisque la caricature de Veuillot est interdite par le régime, voici comment il est représenté dans la même revue hebdomadaire, La Lune. Et puis cela continue, en 1869, le voici. Alors, La Lune a été interdite et maintenant le périodique s'appelle L'Éclipse. Hein, et il est représenté dans L'Éclipse au moment où il publie son recueil de vers, puisqu'il écrit toujours des vers, avec un recueil de vers qui s'appelle Les Couleuvres. Et on a donc une parodie des vers du nez, extrait des vers du nez, parodie des couleuvres hein, de Veuillot. Le voici cette fois-ci en 1878, donc sous la Troisième République, avec les clés du Vatican. Et le voici toujours, hein, puisque la caricature est encore interdite en 1878. Vous voyez que là, il est voilé. Il y a donc une longue histoire de caricature. Et puis je voudrais aussi vous donner quelques échantillons de cette prose de Veuillot. dont j'ai dit qu'elle était inaugurale d'une tradition du pamphlet réactionnaire français jusqu'au XXe siècle et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai choisi trois exemples puisqu'ils touchent de... Ils sont échelonnés dans la chronologie et ils touchent un tout petit peu le Collège de France. Alors le premier, c'est une attaque, bon, ce sont toujours des attaques, une attaque de Veuillot contre François Génin. François Génin, c'est un philologue, professeur à Strasbourg, vous allez le voir. C'est un ami de Littré, c'est donc un rationaliste anticlérical. Et voici comment il est traité en 1844 dans l'Univers. C'est donc le tout début de la carrière de Veuillot, polémiste catholique. Monsieur François Génin, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg, rédacteur du National, le National de Carrel. Cela nous relie à Carrel. Il a beaucoup écrit dans le National sous la direction de Littré, après la mort de Carrel. Rédacteur au National, rapiesseur de vieux opéras, bel esprit chez les universitaires, publie aujourd'hui, en l'honneur de l'université, un gros in octavo contre les jésuites. Le spirituel auteur n'a pas voulu qu'on pût reprocher à cet ouvrage la légèreté si remarquable de ses feuilletons. Le livre compte 500 pages, c'est un moyen de se donner du poids. De même qu'il fait des opéras nouveaux avec des partitions défuntes, cet ouvrier en vieux de la littérature et des beaux-arts a composé son livre neuf d'un bon nombre d'articles très fripés. Homme d'ordre par-dessus tout et de ménage, il a pensé que ces débris, restes affreux, dirait Racine, dont le constitutionnel et ses égaux de la province disputent les lambeaux, le livre de M. Génin se trouve à la même boutique où se vendent les constitutions des jésuites, le livre des jésuites dû aux deux siamois du Collège de France. Bon, les deux siamois du Collège de France, ce sont bien entendu Michelet et Quinet. Et cela fait donc bien partie de cette campagne contre les jésuites. Le second texte, donc plus tard, 1852, on est sous la présidence dictatoriale, c'est une attaque de Minier. Minier, journaliste du National avec Thiers et Carrel, maintenant conseiller d'État sous la monarchie de Juillet et la suite. Et c'est contre l'Académie des sciences morales. L'Académie des sciences morales et politiques est la cinquième classe de l'Institut, la mansarde du Palais de la libre pensée. L'Institut Palais de la libre pensée. Un lieu où se réfugient les savants qui savent peu, les écrivains qu'on ne lit pas. Là brillait M. Lacanal, là reluit aujourd'hui M. Barthélémy Saint-Hilaire, qui est administrateur du Collège de France et professeur ici. Quelques illustres s'y fourvoient sans illustrer les autres. C'est le royaume des économistes, des statisticiens, des essayistes en tout genre. L'esprit voltairien y couve sous des chiffres et sous des fautes de français. Monsieur Minier, à part son talent littéraire, exprime parfaitement la portée politique et philosophique de cette compagnie. Ses livres sont le type de tous ceux qui s'y font. Froids ouvrages, secs, fragiles et creux, statues de plâtre. Mais M. Minier sait y mettre un tour que ses confrères aux mains maladroites n'imitent pas. Il est tout dans ce sang et drain. Il est le secrétaire perpétuel, l'inspirateur, le régulateur, l'orateur. Il a voulu en être le vengeur. Et le troisième que j'ai choisi, ben, c'est tout simplement Renan en 1867, à propos de la vie de Jésus, une nouvelle édition. Monsieur Renan cherche une revanche de ses apôtres, accueillis avec un mépris si caractérisé. Il donne une nouvelle édition de sa pièce à succès, l'œuvre qu'il a osé intituler « La vie de Jésus ». Veuillot a écrit une vie de Jésus contre celle de Renan, aussitôt après. Cette reprise est conduite comme au théâtre. On annonce des changements, des décors nouveaux, un prologue, enfin des rajeunissements. Monsieur Renan appartient à la race qui est Jésus-Christ et il ne manque pas d'amour pour la gloire. Il s'est aperçu qu'il avait perdu sa peine à outrager les apôtres. L'Église est l'idée de Dieu, mais que l'outrage direct à Jésus-Christ faisait plus d'effet. Il y revient. Trois exemples donc de cette prose qui s'échelonne le long de cette carrière de Renan contre... Alors, on dit bien que ça avait beaucoup d'effet auprès du petit clergé et du petit peuple catholique français, mais au fond, je me demande s'ils étaient si familiers des œuvres contre lesquelles Veuillot guerroyait à Paris. J'en viens donc à ce long combat, ce long duel entre Veuillot et Hugo, violent, cruel, souvent vulgaire, parfois ignoble, mais au cours duquel, nous allons le voir, Veuillot a aussi su se montrer parfois généreux. Et je dirais que la familiarité dans ce duellum, elle va, comme c'est remarqué par certains, jusqu'à une certaine ressemblance physique à la fin de leur vie. Voici une photo du Veuillot d'après, donc dans les années 1870, une photo de Nadar. Je vous ai dit qu'il était ami et lié à Nadar, qui n'est pas sans ressembler un peu à Hugo, comme on le fait remarquer. Ce sont des vieux ennemis. Et je vous disais que Veuillot avait été un jeune romantique, rendant visite à Hugo pour avoir un billet pour Hernani, et avait fait partie de la claque, comme il le rappelle dans ce poème, poème tardif. « Hélas, je le confesse et frappe ma poitrine, en mon métier longtemps trop léger de doctrine, de l'effort et du bruit seulement faisant cas, j'ai cru voir du talent où j'ai vu du fracas, j'escortais Hernani, le point haut, le sauvage, bref, je fus romantique. » Et le premier article de Veuillot sur Hugo, c'est dans l'Écho de Rouen, ce quotidien ministériel qu'il est allé créer à Rouen en 1831, donc il a 18 ans, et c'est un article sur les feuilles d'automne de Hugo qui vient d'être publié, où il fait l'éloge de Hugo, mais regrette déjà le virage politique exprimé dans les feuilles d'automne, notamment dans la préface du recueil et dans le dernier poème, notamment dans le dernier poème où Hugo déclare « Je hais l'oppression d'une haine profonde, aussi lorsque j'entends dans quelques coins du monde, sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier, un peuple qu'on égorge, appelé et crié, j'oublie alors l'amour, la famille, l'enfance, et les molles chansons et le loisir serein, et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain. » Bon, c'est cette corde d'airain que Veuillot condamne lorsqu'il écrit, à 18 ans, en 1832, « Nous déplorons qu'un homme qui connaît si bien les cordes sensibles du cœur et les fait si fortement vibrer, abandonne sa pénible mais belle mission pour consacrer sa voix aux fureurs publiques, but vers lequel il est facile de voir que M. Victor Hugo se tournera désormais. Son âme est de celle qui trouve un délassement dans les tumultes du forum, et nous souhaitons très sincèrement qu'il se rappelle toujours la pensée qui lui a fait écrire ces lignes. Je crois avoir le droit de dire que mes vers seront ceux d'un honnête homme, simple et sérieux, qui suit toute liberté, toute amélioration, tout progrès, et en même temps toute précaution, tout ménagement, toute mesure. » Et Veuillot cite ici la préface des Feuilles d'automne. Ainsi, dès ce moment-là, il admire le poète, mais condamne la politisation de Victor Hugo depuis la Révolution de Juillet, en tout cas l'inflexion de sa politique vers le peuple. À l'époque, Veuillot écrit des vers qui, en vérité, rappellent plus Lamartine que Hugo. Mais très vite, il s'éloigne de ses amours de jeunesse et il consacre un très long feuilleton, très sévère, au Rhin de Victor Hugo en 1842. C'est 1842, donc c'est le début de sa collaboration à l'Univers. Il n'est pas encore rédacteur en chef. Et il s'en prend durement à la réclame, au tapage qui entoure les publications de Hugo. Donc à Hugo, homme public, Hugo vedette. Ce qu'il dénonce, c'est le milieu des hugolâtres, le culte de Hugo. C'est cela qui l'irrite. Et il écrit « Jamais je n'aurais pensé que l'auteur des odes et ballades et des feuilles d'automne, cet homme honnête et sérieux, bon, c'est l'expression même que vous venez de lire de la préface des feuilles d'automne, donc 10 ans plus tard, il la reprend, comme disent toutes ces préfaces, écrirait à la toise, avec aussi peu de soucis que le dernier des feuilletonistes, et que trouvant dans son esprit une idée à fournir la matière tout au plus d'un article de journal, il consentirait à ramasser des vieilles lettres, des notes d'auberge, des calembours, des futilités, des obscénités pour en former, je n'ose plus dire 2 volumes, mais quelque chose que son libraire, en y mettant beaucoup de papier blanc, pourrait vendre 3 écus. » Et Veuillot dénonce donc, dans cet article, cette prétention de Hugo à guider le peuple. Il cite le poème des rayons et les ombres, la fonction du poète. Il refuse ce qu'il appelle ce travestissement politique si cher à la vanité des sonneurs de lutte. Bon, cette sacralisation du poète et ce qui l'irrite. Son talent, son génie, si l'on veut, n'excluent, ce talent génie qu'il reconnaîtra toujours, n'excluent point ce qu'il fait publiquement voir de la perversité de ses maximes et de la grande faiblesse de son esprit. Dès qu'il franchit les limites bornées du don que Dieu lui a fait et qu'il emploie si mal. Et quant à moi, si M. Hugo s'inquiète de savoir qui lui parle de la sorte, j'étais hier, monsieur, un de ces jeunes gens qui vous admirez au grand dommage de leur esprit et de leur cœur. Je suis aujourd'hui un pauvre écrivain, un homme sans haine et sans malveillance, un liseur de vers qui vous place encore le premier parmi les poètes de ces jours-ci. Donc Hugo reste le premier des poètes qui sont sous ce rapport de triste jour. Les deux autres, ce sont Lamartine et Musset. Veuillot évoque toujours ce trio des poètes et c'est Hugo qui restera en tête. Il y a là une condamnation de ce Hugo public qui, dit-il, a été successivement royaliste. Les sentiments d'une mère l'avaient rendu royaliste. Puis quasi-chrétien, sous l'influence de Chateaubriand. Puis libéral à la façon des débats, du journal des débats, la monarchie de Juillet, tournez la page, voilà le libéral devenu tout aussitôt révolutionnaire. Donc c'est bien cela qui est condamné. Les cours du Collège de France les 6 et 13 mars 2018, vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, ce diable de Veuillot. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série Les Chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017, et je rappelle son essai « Les antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes, disponible en folio depuis 2016. Un grand merci à Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous poursuivrons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation du pamphlétaire catholique Louis Veuillot. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.